faites plus de soucis. Croyez-moi, oh, que c'est bon la vie. Croyez-moi, si je vous dis ça, mes amis, c'est que moi j'ai maintenant compris que la vie, c'est comme un oiseau qui s'envole, nous quitte. Elle prie chaque jour. Jamais, jamais, jamais s'en faire. Pourquoi, mais pourquoi s'en faire? Croyez-moi, ne vous faites plus de soucis. Croyez-moi, oh, que c'est bon la vie. Croyez-moi, si je vous dis ça, mes amis, c'est que moi j'ai maintenant. Compris. Oui, compris. Yeah, yeah, compris. Ah, compris. Yeah.